Grosse bleue tata, grosse quiche tata, grosse bleue tata, fils d'immigré demande une grosse bleue tata, grosse quiche tata, grosse bleue tata, fils d'immigré demande une grosse bleue tata, grosse quiche tata, grosse bleue tata, fils d'immigré demande une. La voiture est à la dans le club juste devant, ce qui se passe dedans, c'est pas pour les enfants. Y'a la queue, y'a v'là le monde, car ce soir t'es chant. Ouais, c'est qu'il part pour demain des diamants. Tout est carré, ça vient de Paris, des euros dans son regard. L'équipe est parée, les envieux ou t'es mac comme des suricates. On sait la guerre depuis des années, ouais, c'est comme au Suriname. On a ratissé large, que des cœurs qu'on casse et qu'on répare. Millions d'euros cash avec Nasser Totem. Parle pas chinois devant le ATM. Il est où, hein? Derrière une grosse bouteille. Objet métallique, alors tu restes tout. On a faim, je veux de la viande de Kobe. C'est le dernier étage, alors tu coopères. Paris centre, ah, encore un gros couplet. Je me fous en l'air, un peu comme Kurt Cobain. Grosse bleue tata, grosse quiche tata, grosse bleue tata, fils d'immigré demande une grosse bleue tata, grosse quiche tata, grosse bleue tata, fils d'immigré demande. Bien ou bien, moi c'est Rista. On dit 4 anneaux, Kalashnikov Draco. Remerciez-moi pour tous les travaux. Nous on vous remercie pour les cadeaux McDo. Ça vient dans tous les sens, mon gang s'en balance. Que le commissaire soit de permanence. Suivez la cadence, bande de terments. Je vise le firmament, tu dors encore chez ta maman. Dans le teba y'a la coca, on est branché, c'est la totale. On va se venger et dépenser et ta queue ça va se faire manger. Attache ta Gucci belt, mon épée est celte. Tu rentres pas dans le VIP si ton boule est svelte. Les nouveaux pots font moins de bruit, je tourne en soum soum la nuit. Le machin est sous le lit, YNW Melly. Je suis la minorité qui passe en priorité. Elles sont toutes privées, pas que ça dans le jet privé. Ce n'est pas un rêve, tout est réel. Passe-toi deux fois, tu vas le vivre qu'une fois. Beat turbo, on met la gomme. On bibi les flots comme le père à Malcolm. Grosse bleue tata, grosse quiche tata, grosse bleue tata, fils d'immigré demande une grosse bleue tata, grosse quiche tata.